les avions ont fait quelques progrès en termes de puissance et de capacité de transport depuis Clément Ader et Louis Blériot, les gros porteurs, les avions de ligne, eux, ne semblent pas avoir énormément évolué depuis une trentaine d'années. Et pourtant, les modifications sont substantielles, tant sur les matériaux employés que sur les économies de carburant ou sur la part d'électronique embarquée. Mais à quoi ressemblera l'avion de demain ? Sera-t-il tout électrique, silencieux, transparent et pourquoi pas totalement autonome, c'est-à-dire un avion sans pilote ? Y a-t-il un futur dans l'avion ? C'est le problème que nous allons examiner tout au long de l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour décrire ce futur de l'aviation civile, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui ici, dans les studios de France Culture, à la Maison de la Radio à Paris, Léo Barnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de rubrique Industrie et Technologie pour le journal L'Aviation. Et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos confrères de France Bleu à Toulouse avec Jean Hermetz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller spécial pour les nouvelles configurations d'avions à l'ONERA, qui est l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale. Et vous êtes le chef du projet Ampère, dont on va parler largement tout à l'heure au cours de cette émission. Et comme chaque jour, vous pouvez nous suivre sur les ondes de France Culture et en complément sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Faire Sydney-New York en moins de 2 heures, ce sera peut-être un jour possible, on en parle beaucoup. Alors là, c'est un projet qui a été dévoilé par l'US Air Force qui travaille avec le fabricant de moteurs Pratt & Whitney. Ça ressemble à un drone, c'est lâché d'un bombardier B-52 et puis ça monte très haut, ça va à la stratosphère. Ça va à Mach 6, c'est-à-dire 7200 km/h, donc ce qui est assez conséquent. L'intérêt de cet engin, c'est qu'il n'emmène pas avec lui de gros réservoirs de kérosène. Il a un réservoir d'hydrogène et puis avec l'oxygène, ça fait combustion et donc ça lui permet d'avoir son combustible à lui. Alors, Pratt & Whitney, l'US Air Force disent, tiens, pourquoi pas une déclinaison commerciale pour 2020 ? J'en doute un peu. Alors Airbus, il faut qu'on fasse des économies sur le carburant. Airbus propose des sortes de catapultes qui sont le long de la piste de décollage. L'avion économise du carburant. Deuxième source d'économie, lorsqu'il est en vol, les avions volent en patrouille, en formation. Donc ça permet de limiter les émissions de carburant, ça permet tout un tas d'économies, et puis notamment aussi sur les tunnels aériens. On n'est pas obligé d'en gérer plusieurs. Et à l'atterrissage, l'avion peut réduire ses gaz de façon considérable. Moins de bruit, économie. Il va récupérer son espèce de petit chariot pour aller se parquer. Les aéroports eux-mêmes sont très éco-rentables, des aéroports flottants, des aéroports qui sont alimentés par des éoliennes. On a tout un tas de nouveautés autour de ça. Ça, c'est aux alentours de 2050. Ouais. On connaît les concept cars. Là, on a un concept plane. Première chose, un espace incroyable. On peut même jouer au golf. On a un écran virtuel et on se retrouve. Alors, je pense que c'est pour les classes de première, mais en tout cas, on peut tester son swing à 10 000 mètres d'altitude. Et puis, il y a surtout cette cabine incroyable, panoramique, qui s'ouvre sur le ciel, des fauteuils qui s'orientent selon l'orientation du soleil. La nuit, on suit aussi l'évolution du ciel. Tout ça dans un confort, dans un luxe. C'est quand même pas mal ce qu'on nous prépare pour 2050. 2020, 2030, 2050, Sydney, New York en 2 heures, des avions au toit panoramique, on entend un peu tout et n'importe quoi, il y a un peu à boire et à manger dans cette archive qui est assez récente puisqu'elle date de 2012, on entend même l'hilarité des autres personnes présentes sur ce plateau de télévision. Ce que dit en tout cas cet extrait tiré d'une chaîne d'information en continu, c'est que les avions font en tout cas indiscutablement encore rêver, que ces modèles d'avions du futur prêtent évidemment aux rêves, à l'extrapolation, même si on est certainement encore un peu dans le registre de la science-fiction. Mais il faut dire, en tout cas, Jean Hermetz, que beaucoup plus pragmatiquement, aujourd'hui, en termes d'aviation civile, depuis le moteur à réaction, il n'y a pas eu de révolution franche et nette. Alors effectivement, lorsqu'on regarde les avions d'aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on est sur la même forme depuis une cinquantaine d'années. Hein, donc ce qu'on appelle l'avion tube and wing, selon l'acronyme anglo-saxon ou le terme anglo-saxon que l'on utilise, un avion effectivement avec un fuselage tubulaire et une voilure sous laquelle on accroche les moteurs. Alors c'est une apparence, hein, faut bien avoir, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on a le sentiment effectivement que les avions n'ont pas spécialement évolué dans leur forme, mais... les choses se jouent beaucoup plus dans le détail. Vous avez parlé de matériaux, vous avez parlé, je crois, un petit peu d'aérodynamique, de motorisation. Tous ces éléments, tous ces composants de l'avion, hein, qui ont chacun une fonction bien particulière, ont tous évolué de façon très très importante, même si la forme générale de l'avion reste globalement la même. Et on va reparler justement de ces modifications qui sont effectivement de taille, comme vous allez l'entendre dans quelques minutes. Ce qui est important, peut-être ce qu'il faut préciser, Léo Barnier, c'est que en matière d'aéronautique comme d'aérospatiale, il y a un conservatisme très fort qui est lié à des questions de sécurité. Ça marche, donc on maintient des modèles qui fonctionnent parce qu'on sait qu'avec ces modèles-là, eh bien, on est assuré d'un résultat et d'une certaine forme de sécurité qui ne va d'ailleurs qu'en grandissant. Effectivement, le but premier de l'aviation est de transporter des passagers en toute sécurité. À partir de là, effectivement, on peut parler d'un conservatisme, mais comme l'a dit Jean Hermès, il y a quand même toute une logique d'innovation, plutôt incrémentale. On n'est pas sur des ruptures technologiques, mais l'aviation progresse. On le voit au niveau des moteurs, des composites, de l'aérodynamique. Et je pense qu'on va encore continuer comme ça pendant quelques temps, toujours avec ces principes de sécurité, mais aussi pour des principes économiques. Il faut voir, avant de lancer une innovation complète, il faut voir un peu quelle sera la réception des compagnies aériennes, la réception du public, voir aussi à mettre en place tout l'écosystème autour, qui n'est pas forcément le même qu'actuellement. Jean-Ramette, ça veut dire que ce modèle tube and wings, hein, tel que vous l'avez défini, c'est le modèle qu'on aura encore vraisemblablement d'ici et dans les 50 prochaines années. Sur les 50 prochaines années, je ne m'engagerai pas de manière aussi radicale sur ce point-là. Je pense qu'il va y avoir sans doute une certaine ouverture vers d'autres solutions, hein, ne serait-ce que pour essayer de remplir les objectifs que l'aéronautique civile s'est donné vis-à-vis des enjeux environnementaux. Probablement verra-t-on d'autres appareils, sans doute avec une ségrégation, si je puis dire, assez forte entre les distances parcourues et les capacités d'emport, le nombre de passagers, si vous voulez, et effectivement la forme de l'avion. Ce que l'on pressent, effectivement, c'est que pour tous les avions à longue distance, à long rayon d'action, la forme va sans doute peut-être évoluer vers ce qu'on appelle l'aile volante, mais on retrouvera sans doute des avions d'aujourd'hui qui sont déjà très performants, il faut quand même bien voir ça. Et peut-être qu'on verra d'autres formes d'avions pour des trajets, plus courts, plus courtes distances, plus petites capacités. Je voulais simplement illustrer ce que je disais tout à l'heure concernant l'évolution des avions, malgré le fait que les formes sont toujours un petit peu les mêmes, vu de loin. Si vous regardez par exemple la forme d'un Airbus A350 ou d'un Boeing 787 en vol, vous remarquerez la courbure de la voilure, qui est d'ailleurs très élégante. Et cette courbure de voilure, elle est symptomatique des progrès faits à la fois dans l'aérodynamique et dans les structures, de façon à avoir une voilure qui ait une efficacité aérodynamique la plus élevée possible, tout en ayant une résistance structurale élevée également. Cette forme générale est très différente de celle que l'on avait sur les avions il y a encore 20-30 ans, hein, où la forme, ces voilures étaient beaucoup plus rigides et la forme générale était beaucoup moins marquée sous cette espèce de courbure générale que l'on voit. Donc c'est simplement une illustration, hein, du fait que c'est dans le détail, mais qui se voit quand même, que les avions ont évolué. Et on va essayer de vous trouver, hein, en illustration sur le fil Twitter, justement un comparatif à 30-40 ans d'écart, effectivement, entre la voilure, donc les ailes, évidemment, vous l'aurez compris, des différents modèles comparés à ceux d'aujourd'hui. Juste un mot, Léo Barnier, vous confirmez ce que dit Jean Hermette, c'est-à-dire que ce modèle-là, il a encore de belles années, ce module Tube and Wings, il a encore de belles années devant lui. Tout à fait. C'est vrai que même si le modèle évolue quelque peu, qu'il y a des modifications, c'est pas forcément sur ce point-là que les évolutions majeures ont eu lieu ces dernières années. Ça va être plus au niveau des matériaux utilisés pour cette structure, pour ce tube and wing, au niveau des ailes, au niveau des moteurs. Mais effectivement, on peut penser qu'au moins, peut-être pas pendant 50 ans, mais au moins pour les 20-30 prochaines années, on continue à retrouver ce modèle. Après, ceux qui feront peut-être la décision, ce seront les grands avionneurs type Airbus, type Boeing, qui aujourd'hui sont plutôt dans une logique d'améliorer leur modèle. On l'a vu avec l'A320 la 320, donc qui est le modèle de base d'Airbus, le modèle le plus vendu d'Airbus, où on a préféré mettre une nouvelle motorisation, en améliorant certes l'aérodynamique, en améliorant la cabine, mais vraiment centré autour de nouveaux moteurs. Boeing a fait le même choix avec le 737 MAX. On peut penser qu'ils vont continuer un petit peu comme ça pendant quelques années, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle génération d'avions qui va arriver à l'horizon 2030. Il faudra voir à ce moment-là si Airbus, Boeing ou un autre prend le risque de faire une véritable rupture technologique. A priori, sur cette nouvelle génération, on restera quand même sur un modèle assez proche de celui-là, mais optimisé. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10, bien, nous allons examiner exactement ces deux volets, c'est-à-dire dans un premier temps les améliorations qui ont été apportées, qui vont continuer à être apportées, et les marges que l'on peut encore gagner sur ce modèle Tube and Wings des avions de ligne moderne et actuelle contemporaine. Et puis tout à l'heure, on parlera des prototypes et des nouveaux modèles que l'on peut voir émerger dans les prochaines années. On peut dire, Jean-Yves Metz, que tous les efforts d'amélioration qui ont été portés sur l'aviation civile depuis, mettons, une quarantaine d'années ont, en gros, un objectif principal, c'est la réduction de la facture énergétique de l'avion. C'est effectivement un des objectifs majeurs. Alors, il faut quand même revenir un petit peu sur le principe, vous l'avez dit vous-même, Hélo Barnier l'a également rappelé, l'objectif du transport aérien, c'est de transporter de façon sûre des passagers. Hein. Donc la sécurité est toujours au cœur de toutes les préoccupations des avionneurs et des gens qui travaillent globalement dans le domaine. Mais toujours est-il que les progrès technologiques qui ont été faits ces dernières années ont essentiellement pour objectif, effectivement, de rendre l'avion plus efficace au sens énergétique du terme. Donc, pour faire cela, on a travaillé sur évidemment tous les aspects de l'avion. L'avion, c'est quand même un compromis entre un certain nombre de points de vue. Le point de vue de l'aérodynamicien, pour faire un avion le plus fin possible. Le point de vue des gens, des structures ou des matériaux, pour faire un avion qui effectivement résiste aux charges aérodynamiques qu'il subit en vol. Les gens des moteurs, les gens des commandes de vol. Enfin, c'est donc un compromis. Et c'est ce compromis, globalement, que l'on a cherché à faire progresser en ayant évidemment des activités sur chacun des domaines des métiers dont je parlais tout à l'heure, mais en s'assurant bien de la cohérence d'ensemble. Parce que améliorer l'aérodynamique, mais en ne permettant pas, par exemple, d'avoir une structure résistante dans l'appareil, pour tenir les charges, évidemment, vous conduit à un échec, vous conduit à quelque chose de pas réalisable. Donc c'est forcément un compromis qui est recherché. Donc c'est pas forcément chacune des pistes qui est traitée indépendamment. Elles sont évidemment regardées en tant que telles, mais elles sont mises dans une vision globale de l'avion. Et c'est ça qui fait finalement le résultat et la progression de l'aéronautique ces dernières années. L'une des voies de modification principale, ce qui a changé entre l'avion de ligne des années 60-70 et l'avion de ligne des années 2020, en partie, Léo Barnier, ce sont les matériaux et notamment la part des matériaux composites qui a doublé, enfin qui est aujourd'hui, qui représente, je crois, et je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, la moitié à peu près du tonnage d'un avion de ligne classique. Effectivement, ça dépend des avions, ça dépend des générations d'avions, mais effectivement, sur les nouveaux appareils type A350, 787, on tourne autour d'une moitié de matériaux composites aujourd'hui. Alors, racontez-nous déjà ce que c'est qu'un matériau composite et quel avantage ça a par rapport aux alliages d'aluminium qui étaient les matériaux classiques des avions de ligne il y a 40 ans. Alors, un matériau composite, c'est tout simplement la combinaison de deux matériaux différents. Par exemple de la fibre de carbone qui va être collée entre elles avec de la résine, ou on peut avoir aussi des matériaux métalliques, des matériaux plastiques, mais voilà, le composite en soi est l'addition de matériaux. Après, c'est selon leurs propriétés, ça va nous permettre notamment de gagner du poids. C'est souvent plus léger que les matériaux traditionnels type aluminium. Et après, on aura également d'autres avantages en termes de propriétés mécaniques. On va avoir des matériaux qui vont mieux résister à la flexion, notamment au niveau des ailes. On va avoir également des matériaux qui vont avoir une grande force dans un certain sens, notamment par rapport aux fibres de carbone. Dans le sens d'une fibre, pour déchirer entre guillemets une fibre de carbone, il faut exercer des pressions très grandes. Jean-Germain, oui. J'allais justement rebondir pour faire suite à ce que disait Léo Barnier à l'instant. Effectivement, un des avantages des matériaux composites, c'est leur anisotropie, hein, c'est-à-dire l'orientation des fibres en fonction des efforts mécaniques qu'ils ont à supporter. Et cette orientation, elle permet effectivement, du coup, d'avoir une optimisation de la matière que l'on met finalement dans la structure de l'appareil pour tenir les charges aérodynamiques, hein, ou les charges de manière générale d'ailleurs. Donc c'est effectivement un des gros avantages des composites. On peut en citer d'autres, hein, pour compléter un petit peu ce qui était dit. Il y a notamment le fait aussi qu'avec les composites, il est potentiellement possible de réaliser des formes beaucoup plus progressives, hein, on va dire, ou des formes aérodynamiques non développables, qui ne sont pas forcément simples à réaliser à partir de matériaux métalliques. C'est un des avantages. Il y a également la capacité à plus facilement insérer des capteurs qui permettent de faire ce qu'on appelle du contrôle santé du matériau, de façon à surveiller son état en fonction de sa durée de vie, enfin des phénomènes qu'on appelle les phénomènes de fatigue, puisqu'un matériau va devoir durer 20-30 ans sur un appareil qui va faire 30-40 000 cycles, hein, c'est-à-dire 30-40 000 vols. Ce genre de principe qui permet d'améliorer la maintenance et également de travailler sur l'aspect sécurité, hein, par de l'inspection préventive, va dans le sens effectivement de l'utilisation des matériaux composites. Ces matériaux composites, ils sont utilisés essentiellement pour le fuselage. Pour quel type de pièces de l'avion Léo Barnier ? Peut-être que Jean-Hermès pourra mieux répondre que moi, je pense, sur ça. Mais effectivement, ça va être plus sur des pièces qui vont travailler dans la longueur, type la voilure, effectivement sur le fuselage. Mais toujours avec cette, au moins pour les fibres carbone, dans ce travail dans la longueur grâce à leurs propriétés mécaniques. Jean-Hermès ? Oui, tout à fait. Je confirme parfaitement ce que disait Léo à l'instant. Effectivement, on va retrouver les composites. Initialement, d'ailleurs, je pense que les composites ont été introduits plutôt effectivement pour ses capacités à tenir des charges dans le sens long, hein, donc des charges de flexion ou de compression, mais sur l'envergure de la voilure, par exemple. Maintenant, aujourd'hui, on les retrouve un petit peu partout sur un avion, sur des pièces structurales, effectivement, des pièces fortement contraintes. On va les retrouver quand même aussi sur le fuselage maintenant, hein, donc on a des fuselages composites, hein, qui sont arrivés. Donc petit à petit, hein, les composites gagnent du terrain là où ils sont utiles, pas forcément partout, parce qu'il n'y a pas forcément une raison claire, évidente, ne serait-ce que pour des raisons de procédé de fabrication, par exemple. Il n'est pas certain que le composite doive remplacer le métallique, au sens classique du terme, partout. C'est-à-dire que la perspective d'un avion 100% composite est une chimère. C'est pas du tout ce vers quoi on tend. Est-ce qu'on peut encore améliorer ou est-ce qu'on a déjà exploré la maximisation de la part de ces matériaux composites dans les avions de ligne actuels, Jean-Hermès? Je pense qu'il y a encore des pistes d'utilisation et d'amélioration de manière générale. Hein. Les matériaux composites, on les connaît maintenant assez bien, ça fait 40 ans qu'ils sont utilisés. Malgré tout, il y a encore des choses à faire dans ce domaine-là. Hein. Il y a encore des découvertes à faire et on y travaille encore de manière très, très intensive. L'orientation des fibres dont on parlait tout à l'heure est une des grandes pistes qui est regardée aujourd'hui, mais qui pose un certain nombre de problèmes du point de vue fabrication. Des problèmes du point de vue de la fabrication ? Ah ben parce que effectivement il faut assurer l'orientation de ces fibres en fonction des efforts et donc il faut maîtriser ces orientations. Donc c'est pas forcément un problème en soi, c'est simplement que les procédés de fabrication sont différents de ceux que l'on maîtrise dans le domaine métallique. Donc il faut mettre en place ces procédés de fabrication et les faire progresser pour qu'ils tiennent les cadences qui sont attendues aujourd'hui pour la fabrication des avions d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Léo Barnier. Oui, donc forcément je vais dans le sens de Jean-Hermès. Il y a eu quand même des projets, notamment sur des avions plus petits. Je pense à notamment un avion d'affaires du constructeur canadien Bombardier qui a tenté effectivement de mettre au point un avion avec un fuselage 100% composite, entièrement composite. Mais où ils ont eu énormément de mal à mettre au point et le projet a été annulé pour cause de difficultés financières chez Bombardier. Mais il y a eu quand même des projets, peut-être effectivement sur des avions plus petits dans un premier temps. Après, sur le composite, il y a aussi effectivement un potentiel encore d'innovation sur les matériaux utilisés ou sur d'autres matériaux comme les thermoplastiques, voilà, qui potentiellement ouvrent des portes. Après, forcément, un avantage ne vient pas sans inconvénient et le composite a des défauts. Comme par exemple ? Ce qu'on disait tout à l'heure, le problème de supporter les efforts que dans un seul sens. Après, certaines sociétés travaillent pour justement faire des matériaux en composite qui puissent subir plusieurs types de forces simultanément. Et un dernier problème avec le composite, c'est aussi la mauvaise cohabitation avec l'aluminium, provoque un phénomène de corrosion galvanique et qui demande d'enduire toutes les pièces de raccord entre l'aluminium et le composite. Aujourd'hui, effectivement, la recherche, pour conclure sur ces matériaux composites, Jean Hermette, c'est la recherche plutôt en chimie pour trouver de nouveaux matériaux composites qui puissent répondre effectivement à des contraintes plus complexes. Alors, ça fait partie des axes de recherche. Il y a également beaucoup de travaux sur la modélisation du comportement de ces matériaux, de façon, je dirais, très intime, hein, comportement intime de ces matériaux, et vis-à-vis du vieillissement, des phénomènes liés au vieillissement, comme le fluage ou des phénomènes de ce genre-là, et également vis-à-vis des phénomènes de délaminage, des phénomènes qui peuvent apparaître à partir d'un choc, par exemple, hein, sur une plaque composite. Vous pouvez avoir des phénomènes de délaminage qui ne sont pas forcément apparents et qui ne sont pas forcément faciles à détecter. Des phénomènes de délaminage, c'est-à-dire comment est-ce que vous le traduiriez pour le néophyte? Si vous voulez, c'est en quelque sorte le matériau je dirais pas qu'il se désagrège, mais le matériau est généralement fait d'un certain nombre de couches, les unes collées aux autres, c'est le cas de le dire, hein, par ce qu'on appelle la matrice. Et ces différentes couches, sous un choc qui leur est perpendiculaire, vont avoir tendance à se décoller les unes des autres. Enfin, j'illustre, hein, oui. C'est vraiment très illustratif. Et effectivement, ceci va créer un point de faiblesse, puisque le matériau ne sera plus capable de reprendre des efforts dans le sens dans lequel il a été, pour lequel il a été conçu. Et ces phénomènes de délaminage sont effectivement assez traîtres, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas forcément visibles, malgré un choc à l'extérieur, peut très bien ne laisser aucune marque, et il peut y avoir un phénomène de délaminage à l'intérieur du matériau. Léo Barnier. Comme on le disait tout à l'heure, une innovation doit aussi s'inscrire dans un écosystème, et notamment dans le cas présent, dans celui de la maintenance. Effectivement, il y a eu des problèmes au départ, il a fallu mettre des nouveaux outils au point justement pour détecter ce délaminage possible des composites qui ne se voient pas à l'œil nu. Donc avec plusieurs méthodes, des méthodes notamment à ultrasons, il me semble. Aussi une possible, un possible traitement de surface pour voir effectivement où un choc avait eu lieu et voir le dégât potentiel créé par ce choc. Et je vois un autre défaut aussi sur le composite, c'est la mauvaise résistance à la chaleur. Notamment au niveau des moteurs, on en utilise de plus en plus, mais on est obligé de faire une protection thermique face à ces composites. Et le dégât à cause de la chaleur est très dur à évaluer. Mais c'est aujourd'hui, il y a aujourd'hui plusieurs sociétés qui travaillent justement pour construire tous ces outils qui renforcent notre connaissance du matériau composite une fois en opération. Un mot, puisqu'on est toujours autour du fuselage, un mot, Jean Hermette, sur l'aérodynamique aujourd'hui, l'aérodynamique de ces avions de ligne. Ça, ce sont des calculs de résistance des fluides. On peut dire qu'aujourd'hui, avec les calculateurs, on a atteint le maximum d'aérodynamique que l'on peut envisager pour ce type d'avion. Il y a deux sous-questions dans votre question. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Est-ce qu'on est arrivé au mieux de ce qu'on pouvait faire d'un point de vue aérodynamique sur ces avions-là? Non, il y a encore des pistes d'amélioration. Je dirais par contre qu'effectivement sur cette configuration, hein, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette configuration tube and wing, le potentiel d'évolution de manière générale, il a tendance à effectivement s'amenuiser. Hein. On a un comportement un peu asymptotique, si je puis dire, de l'évolution des gains que l'on peut attendre sur cette configuration. Mais il y a encore des marges de progrès qui sont attendues. D'un point de vue aérodynamique, hein, je parlais tout à l'heure par exemple de la voilure et de la forme de voilure. Aujourd'hui, on a effectivement un certain nombre d'axes de recherche qui consistent à faire en sorte que la voilure, en fonction des charges de vol, ait la forme idéale, la forme aérodynamique idéale. Donc la répartition de portance sur la voilure, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais faire en sorte que la voilure se déforme de telle sorte que cette répartition de portance soit idéale, c'est-à-dire qu'elle génère le moins de traînées possible. Donc ce genre de d'activité qui est effectivement de l'aérodynamique, c'est également de l'aérodynamique et des structures, puisque si je parle de déformation de la voilure, c'est bien la structure qui va faire en sorte que cette déformation soit contrôlable ou soit limitée. Ouais. Oui, Léo Barnier sur l'aérodynamique. J'en profite juste un peu pour faire la pub de l'ONERA. Oui, bien voilà. Sûr. C'est gentil. On parle beaucoup de modélisation, notamment à partir de simulations numériques, mais il ne faut pas oublier que l'ONERA possède aujourd'hui un parc de souffleurs aérodynamiques vraiment exceptionnels, notamment le parc de Modane, mais aussi à Toulouse et à Lille. Et c'est une chance aujourd'hui qu'on a d'avoir en France ce potentiel de recherche aérodynamique. Et on en reparlera tout à l'heure pour les prototypes. Oui, Gérard Metz. Oui, je remercie évidemment pour cette information très pertinente. Et une des grandes forces que l'on a effectivement en France et à l'ONERA en l'occurrence, hein, c'est effectivement d'avoir à la fois ce parc de soufflerie qui est très riche et unique en Europe, voire au monde pour certaines installations, mais également effectivement d'avoir cette complémentarité entre le numérique et l'expérimental. Et les deux vont de pair et se nourrissent mutuellement et sont sont essentiels, je dirais, pour maîtriser et faire évoluer effectivement nos connaissances et donc faire des avions de plus en plus performants. J'aimerais qu'on passe, parce que l'heure tourne un peu, j'aimerais qu'on passe à la question, puisque on l'a dit, hein, au début de cette émission, si l'un des enjeux majeurs aujourd'hui de l'amélioration de ces avions de ligne, c'est de réduire le coût en carburant et la facture énergétique. Peut-être qu'on peut dire un mot aujourd'hui du carburant lui-même. J'en remets jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien trouvé de mieux pour le moment pour faire voler ces avions que le kérosène. Ah, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Le kérosène est extraordinairement bien adapté à ce que l'on en fait. C'est une réalité. Effectivement, tout ce que l'on peut faire dans le domaine soit des carburants de synthèse ou des biocarburants, tout ce qui est carburant alternatif de manière générale, d'un côté, ou bien sur les autres sources d'énergie, hein, puisque je pense qu'on parlera un peu de propulsion électrique bien à un moment. Bien sûr, on va en parler dans un instant. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que l'étalon reste le kérosène. Et c'est un étalon, une référence, et c'est quand même un espèce de graal, en quelque sorte, si vous voulez, que l'on aimerait atteindre avec d'autres solutions. Vous pouvez nous expliquer en deux mots pourquoi le kérosène est aussi efficace ? Ah, alors... En quelques mots, rapidement. C'est pas forcément facile. Bon, il se trouve que, bon, c'est évidemment de la chimie, hein, bien sûr, derrière tout ça. Il y a également le fait que, si vous voulez, le carburant, il a un comportement en fonction de l'évolution de la température et des pressions qui fait qu'il est utilisable sur l'ensemble du domaine de vol des avions de ligne d'aujourd'hui. Il est parfaitement adapté, si vous voulez, à son usage sur les avions de ligne d'aujourd'hui. Alors, je dirais pas que c'est fait exprès, parce que effectivement, c'est un produit du pétrole, hein, tout simplement. Hein, c'est un des nombreux produits de raffinage du pétrole. Mais il se trouve qu'il nous donne des caractéristiques valables dans un domaine de température, en particulier, qui le rend utilisable sans souci pour l'ensemble de ce que l'on veut faire dans le domaine du transport aérien. Il y a tout de même effectivement, alors des petites introductions, c'est très marginal. Hein, au Barnier, j'ai lu que par exemple, il y a des aéroports KLM qui intègrent un peu de carburant, ils font du recyclage des déchets domestiques à Los Angeles ou à San Francisco. On essaye par petites touches, mais c'est vraiment pour le moment des toutes petites touches. Effectivement, on essaye par petites touches. Il y a Airbus aussi qui annonçait une part de biocarburant dans ses vols de livraison vers les compagnies. Mais après, il y a effectivement une équation économique. Il faut voir le poids de ces biocarburants par rapport à leur potentiel énergétique. Et aujourd'hui, ça ne rivalise pas avec le kérosène. Peut-être avec le nouveau système de quotas qui est mis en place de quotas carbone qui va être mis en place par l'OACI, donc l'Organisation mondiale de l'aviation civile, qui est une branche de l'ONU, dans les prochaines années. Peut-être que cette équation économique va un peu changer et va pousser les compagnies et les constructeurs à aller un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on reste vraiment sur du marginal. Est-ce que pour changer, au lieu de s'intéresser au changement de carburant, est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser à ce moment-là carrément à un changement de moteur, Jean Hermès ? Est-ce qu'on peut envisager, alors c'est, vous en parliez il y a un instant, un moteur qui tournerait à l'électricité ? C'est exactement. Ça se dit, c'est un graal, mais qui n'est pas atteint oui, encore. Oui. Pas trouvé. Alors, ce n'est pas atteint, mais c'est certain que aujourd'hui beaucoup de travaux se portent sur la propulsion électrique et la propulsion. Alors derrière électrique, on met pas mal de choses. Hein. Faut bien avoir en tête que lorsqu'on parle de propulsion électrique, on peut parler de propulsion hybride. On peut parler de génération d'électricité à bord de l'avion à l'aide, par exemple, effectivement, d'une génératrice thermique entraînant un alternateur, ou bien de piles à combustible, ou bien de batteries. Donc un certain nombre de solutions pour disposer d'une énergie à bord qui vient ensuite alimenter des moteurs électriques entraînant un organe de propulsion, une hélice par exemple ou un fan comme sur les avions actuels. Mais aujourd'hui, c'est certain qu'on regarde beaucoup de ces solutions, alors, qu'on peut voir alternatives ou complémentaires, de façon à essayer de trouver un certain nombre de gains sur les émissions polluantes, hein, en particulier, en termes de CO2 et puis de suie, de NOx et de tout ce qui est produit par, les, par la, la, la combustion du kérosène, de manière générale. Et ces gains, on les regarde effectivement soit sur l'ensemble du domaine de la mission de l'avion, soit sur des phases particulières où effectivement on a une sensibilité accrue vis-à-vis des polluants à basse altitude, par exemple. Léo Barnier, on est encore très très loin, la recherche est encore très loin de pouvoir proposer un moteur électrique qui ait la puissance suffisante pour pouvoir faire du long courrier ou des batteries qui soient suffisamment légères pour pouvoir être embarquées à bord et ne pas alourdir le poids de l'avion. J'ai lu que pour aujourd'hui propulser les 240 tonnes d'un A380, il faudrait 3600 tonnes de batteries si on voulait le faire tourner à l'électrique, c'est donc encore un peu compliqué. C'est encore un peu compliqué, mais comme Jean-Hermès l'a dit, avant de penser même à la propulsion électrique, on peut réfléchir à l'avion plus électrique, notamment en remplaçant tous les systèmes hydrauliques, les actionneurs hydrauliques par des actionneurs électriques. Ce qui est déjà le cas, hein, le Dreamliner de Boeing embarque 1 mégawatt d'énergie électrique, je crois. Je parle sous contrôle. Ça, oui. Et effectivement, cet avion plus électrique, déjà, permettrait de gagner énormément de poids. Et le poids est égal à une réduction de la consommation de carburant. Je remets sur l'augmentation de la part de l'électrique. Alors, on a aussi en tête un avion qui a fait pas mal parler de lui, c'est Solar Impulse. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas encore la technologie qui permet d'embarquer des cellules photovoltaïques sur la voilure et qui permettrait justement de générer de la puissance électrique? Si vous voulez, des technologies existent. Après, le passage entre l'expérimentation et la production et l'utilisation de façon opérationnelle et industrielle, c'est une autre histoire, bien sûr. Après, si vous voulez, le photovoltaïque est limité dans ses capacités à générer de l'énergie, hein, malgré tout. Donc, si vous voulez, pour arriver à avoir l'énergie, vous parliez de mégawatts tout à l'heure, faut quand même bien avoir en tête qu'un Airbus A320, aujourd'hui, a 40 mégawatts de puissance installée. Hein. Donc, si vous prenez ce genre de chiffres, vous vous rendez vite compte et que vous essayez de le convertir en surface de voilure qu'il faudrait, enfin en surface de manière générale, pardon, de panneaux solaires qu'il faudrait pour capter l'énergie solaire pour propulser un avion de ce type-là. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est incommensurablement énorme par rapport à l'avion lui-même tel qu'il est. Donc, si vous voulez, le Solar Impulse a démontré plein de choses d'un point de vue technologique, sur la façon aussi de gérer le vol en fonction justement de la maximisation de l'ensoleillement pour avoir l'énergie restituée la plus élevée possible. Mais c'est clairement pas un démonstrateur d'un avion futur de transport civil. C'est un démonstrateur de technologies qui, petit à petit, pourront un jour sans doute migrer dans le domaine du transport aérien. Peut-être pas forcément les cellules photovoltaïques, peut-être d'autres choses dans le management des batteries, par exemple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vers le solaire qu'on se dirige pour pouvoir propulser un avion futur de façon électrique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Je sais. Hello, mister. Pleased to meet you. I wanna hold her. I wanna kiss her. She smelled the daisies. She smelled the daisies. She drive me crazy. She drive me crazy. Higher. Gonna take you for a ride on the Jet Plane d'Angus et Julia Stone sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons du futur de l'aviation tout au long de cette heure, en compagnie de Léo Barnier, qui est avec nous ici à Paris, qui est chef de rubrique industrie et technologie pour le journal L'Aviation. Et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu à Toulouse, avec Jean Hermetz, qui est conseiller spécial pour les nouvelles configurations d'avions à l'ONERA, l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale. Il va en être question à l'instant de l'ONERA, puisque après avoir vu les voies d'amélioration de l'avion de ligne actuelle, eh bien nous allons nous intéresser à ce fameux avion du futur, celui qui fait rêver, au toit transparent, la tête dans les nuages, sans pilote, même si je suis pas sûr qu'un avion sans pilote, ça rassure tout le monde. Bref, qui fonctionne avec des énergies ou des moteurs alternatifs. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous qui vouliez être pilote de ligne il y a encore peu. Oui, et j'ai raté à cause de la dictée. Vous êtes allé à l'ONERA pour que l'on vous montre un prototype, celui de l'avion Nova. Oui, parce que j'ai rencontré Ludovic Viard, qui est ingénieur en aérodynamique appliquée. Il m'a parlé du projet d'avion concept moyen courrier, l'avion Nova, qu'il a développé pour l'ONERA. Cet avion, il a une forme un peu particulière, puisqu'il est plus aplati qu'un avion classique et que ses deux moteurs sont intégrés à la structure de l'avion à l'arrière. Ludovic Viard nous raconte comment a été conçu cet avion et l'intérêt que représente ce fuselage d'un genre un peu nouveau. Reste aujourd'hui à le construire et surtout à lui faire passer les phases de test en vue, peut-être un jour, de le voir traverser le ciel. Là, on est devant la maquette d'un avion qui s'appelle Nova, auquel vous avez contribué, à la conception duquel vous avez contribué. Je voudrais que vous me décriviez un petit peu physiquement cet avion et que vous m'expliquiez un petit peu à quoi il ressemble et pourquoi il est différent d'un Boeing ou d'un Airbus classique. Alors, en termes de mission, il réalise une mission similaire à celle d'un A320 d'Airbus, par exemple. Après, ce qui va changer, c'est en termes de cabine, d'aménagement cabine, par exemple, c'est que c'est un bicouloir, contrairement à un Airbus A321 qui est un monocouloir. Ça, ça a un avantage en termes d'embarquement et de débarquement des passagers. Ça permet de gagner du temps. On peut augmenter le taux de rotation de l'appareil, donc c'est un avantage pour les compagnies aériennes. Le résultat, c'est que le fuselage est du coup un peu plus court et un peu plus large, parce qu'on a plus de passagers par rangée. Ici, 7 passagers par rangée contre 6 dans un A320. On a profité aussi d'avoir ce fuselage large pour le faire participer plus à la portance de l'avion que dans un avion conventionnel. Donc c'est aussi ce qui explique sa forme un petit peu originale au niveau de l'avant notamment. Cette tête de requin, comme certains l'ont remarqué, qui permet en fait d'amener le flux d'air d'une manière plus optimale pour porter notamment à l'avant de l'appareil. Au niveau de la voilure, ce qui saute aux yeux, c'est le winglet. Le winglet, c'est ces ailettes de boudelle qui existent déjà sur des avions en service. Leur utilité majeure, c'est de réduire la traînée de l'avion et donc sa consommation. Ça revient à augmenter l'envergure de l'aile, mais tout en réduisant ce qu'on appelle le moment d'encastrement. Donc ça réduit les efforts au niveau de l'emplanture de l'aile, c'est-à-dire là où elle est fixée dans le fuselage. Et donc la particularité sur Nova, c'est que ses winglets sont orientés vers le bas. Et ça provient d'études aérodynamiques menées depuis déjà de nombreuses années dans l'unité, et qui ont prouvé que c'est par rapport à des winglets vers le haut, on a une meilleure efficacité et une meilleure réduction de la traînée induite. Là-dessus, il y a un autre détail qui n'en est pas un, c'est que les deux moteurs sont à l'arrière de l'avion et semi-intégrés dans le fuselage. Alors pourquoi ce choix-là ? Alors la motorisation est vraiment au cœur de ce projet, qui était centré sur l'intégration motrice, c'est-à-dire si on se projette à l'horizon 2025-2030, qu'est-ce qu'on va faire de ces très gros moteurs qui deviennent de plus en plus gros à chaque nouvelle génération? Où est-ce qu'on va les intégrer sur l'avion du futur? Donc on a étudié différentes possibilités dans le cadre de ce projet, avec des moteurs sous la voilure qui peuvent être toujours aménagés en augmentant le dièdre, c'est-à-dire l'angle de l'aile par rapport à l'horizontale sur la partie interne de l'aile. Donc ça, c'était une option qui aura aussi ses limites si on va sur des moteurs encore plus gros. Et l'autre option assez naturelle, ça existe déjà, des avions avec des moteurs à l'arrière. Donc on a regardé ça. Le problème, c'est que ces moteurs sont quand même beaucoup plus gros que les moteurs classiques. Donc ça veut dire qu'on va utiliser des mâts réacteurs, c'est-à-dire les supports de ces moteurs qui seraient très renforcés. Ça va rajouter du poids, de la complexité. Et on s'est dit, pourquoi ne pas profiter de la possibilité d'ingérer la couche limite qui se développe sur le fuselage pour participer à l'amélioration du rendement propulsif de la configuration. Le rendement propulsif, en fait, c'est déjà ce qu'on cherche à améliorer à chaque génération de nouveaux moteurs en augmentant leur diamètre et en réduisant leur taux de compression. Là, ça serait une étape supplémentaire pour améliorer encore le rendement propulsif à une génération de moteurs donnés. On peut imaginer de les alimenter avec cet écoulement fatigué qu'on appelle la couche limite. En fait, c'est un écoulement qui se développe à la surface de l'appareil, un écoulement ralenti. Et si on fait travailler la soufflante, c'est-à-dire cette grosse hélice que vous avez en entrée de moteur sur cet écoulement déjà ralenti, on peut espérer des gains de puissance, c'est-à-dire que pour produire la même poussée, on va nécessiter moins de puissance et moins de carburant. Alors là, on a parlé de la structure et de la forme de cet avion Nova qui est proposé par l'ONERA. Je voudrais savoir, en termes de matériaux, quelle importance vous allez accorder aux matériaux composites et quelle proportion il y aura éventuellement de matériaux composites et de métal dans cet avion Nova ? Dans le cadre de cette étude, la partie matériaux a été abordée de manière plutôt marginale, car c'était une étude plutôt pilotée par l'aérodynamique jusque-là. Pour réaliser un fuselage de ce type, il faut obligatoirement passer par du composite. Donc vous voyez qu'on est sur un fuselage qui est plus large que haut. Donc dès qu'on s'éloigne d'une section cylindrique, qui est le meilleur type de section pour résister à un effort de pressurisation, on va devoir renforcer le fuselage. Donc on a regardé la pénalité que ça représente en termes de masse, en sachant que derrière, il y a un avantage côté aérodynamique d'avoir un fuselage portant, comme je vous disais précédemment. Et on a aussi regardé des solutions un petit peu innovantes, avec des sortes de renforts qui rejoindraient le bas et le haut du fuselage pour justement limiter le surplus de masse et mieux résister aux efforts de flexion notamment. Et où est-ce que vous en êtes là justement de la phase de test de cet avion Nova ? Il y a un essai qui est prévu en 2019 sur une demi-maquette à Modane, donc dans les grandes souffleries de l'ONERA, puisque je rappelle que l'ONERA a la particularité de posséder le plus grand parc de souffleries d'Europe. Donc on a un essai prévu en demi-maquette, mais sur une version de Nova un peu moins innovante, avec des moteurs qui sont placés sous la voilure, parce qu'on a développé un simulateur de moteurs innovant. Et on veut commencer avec ce cas nominal, on va dire, pour avoir une référence avant d'aller vers l'intégration des moteurs sur le fuselage ultérieurement. Et à quel horizon on pourrait voir voler éventuellement cet avion dans nos ciels ? Dans notre esprit, il reste une phase de validation, notamment des gains aérodynamiques et aéropropulsifs qui pourraient s'étendre jusqu'en 2021. Ensuite, il y a une phase de levée des risques. Donc, quand je dis levée des risques, c'est par exemple le risque que ça ne soit pas certifiable, par exemple en termes d'acoustique. Si cet avion faisait trop de bruit, donc il va falloir prendre des mesures correctives. Donc, tout ça, ça va être étudié entre 2021 et 2025. En 2025, on pourrait avoir un premier test en vol sur un simulateur à échelle réduite. Et ensuite, ça dépend un peu des industriels qui vont reprendre la main. On va les accompagner. C'est le rôle de l'ONERA d'accompagner les industriels dans leur recherche et développement. Et on pourrait imaginer, à partir de l'horizon 2030, de commencer. On pourrait rêver de cet avion-là. Voilà ce prototype d'avion Nova proposé par l'ONERA. Forcément, votre réaction à ce reportage, Jean-Hermès ? C'est la fête à l'ONERA aujourd'hui, alors allez-y, profitez-en. Tout à fait, j'en suis ravi. Non, Ludovic a très bien présenté ce projet Nova, qui est un projet très très intéressant que l'on mène depuis déjà quelques temps à l'ONERA. Hein. Donc vraiment, c'est un projet qui porte effectivement un certain nombre d'innovations, dont cette innovation dont il a parlé assez longuement sur l'ingestion de couches limites, qui est un des axes par lesquels on pense pouvoir effectivement améliorer généralement, de façon générale, le rendement propulsif de l'appareil. Donc ça fait partie effectivement des pistes regardées de très près. L'ingestion de couches limites qui pourrait trouver encore plus d'avantages à être intégrée sur des formes d'avions qui seraient différentes de celles que l'on connaît bien, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Voire même de Nova, par exemple l'aile volante. Je pense que l'aile volante, c'est quelque chose qui est bien connu. Et sur une aile volante, effectivement, la possibilité d'ingérer une couche limite qui est relativement importante, puisque c'est la forme de l'aile qui veut ça, permettrait sans doute, si ces gains d'ingestion de couche limite sont validés et vérifiés, hein, à l'aide des essais justement que l'on doit faire avec Nova, permettrait sans doute d'aller plus loin sur ces gains et donc d'améliorer encore le rendement propulsif d'un avion de ligne. Une question de Béotien, aile volante, ça veut dire un modèle, le retour à une forme de modèle type Concorde ? C'est pas exactement Concorde. Concorde avait une forme qui était prévue plutôt pour du vol supersonique. Hein, donc il y a une certaine ressemblance parce qu'on parle d'une aile delta. Oui, on parle de delta sur la forme de la voilure, mais là, une aile volante, c'est ce type de voilure-là ? Alors, ça serait une voilure avec beaucoup plus d'allongement, c'est-à-dire une envergure beaucoup plus importante ramenée à la corde. Donc ça serait plus, si vous voulez, vous prenez la voilure d'un avion d'aujourd'hui, vous enlevez le fuselage, vous le raccourcissez beaucoup, et vous grossissez évidemment la voilure, et ça vous donne, à peu de choses près, une aile volante en enlevant l'empennage. J'essaye de schématiser, hein, mais quand on parle d'une aile volante, c'est faut vraiment avoir en tête une aile d'avion d'aujourd'hui, donc avec un peu de flèche, mais qui est suffisamment grande pour que dans son épaisseur centrale, moyennant éventuellement un petit fuselage ou un petit moignon qui fait fuselage, on puisse intégrer une cabine passager, et généralement une cabine qui justement profiterait du volume interne d'une aile de ce type-là, qui est par définition beaucoup plus important, si vous voulez, en quelque sorte. Un mot tout de même sur cet avion Nova, et puis vous allez nous parler de votre projet à vous, du projet Ampère, mais quelles sont les étapes qui pourraient conduire à son développement au niveau industriel ? Je pense que enfin, Ludovic a donné quelques pistes sur les étapes, je dirais, de montée en maturité, finalement, des technologies qui sont derrière un avion de ce type-là, donc en particulier, effectivement, sur la gestion de couches limites et sur les aspects... Les moteurs étant intégrés dans la cellule de l'avion, effectivement, il y a un certain nombre d'aspects sécurité à bien analyser, puisque tout ce qui est de l'ordre de la perte d'une pale de soufflante, de l'hélice qui est à l'avant, peut générer effectivement des dégâts sur l'avion et sur les commandes de vol, par exemple. Donc il y a un certain nombre de choses à regarder. C'est ce qu'on entendait dans le reportage tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc si vous voulez, le plan de développement d'un avion comme ça passe par un certain nombre d'étapes, effectivement, qu'on dira critiques et qui viennent effectivement valider non seulement les performances ou les attendus d'un point de vue efficacité énergétique et autres, mais également valider effectivement la faisabilité d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue de la maintenance, d'un point de vue de l'opérabilité, si je puis dire, c'est pas très français je pense, mais de la capacité à opérer un avion comme ça en ligne. Donc évidemment, c'est des passages qui sont relativement conséquents. Oui, bien sûr. Et puis surtout, c'est le développement, vous le disiez tout à l'heure, Léo Barnier, de toute une nouvelle chaîne de production industrielle de ex nihilo. Effectivement. Quasiment, en tout cas. Effectivement. Déjà, sur un projet mené par l'ONERA, le but de l'ONERA n'est pas de construire un avion, de développer un projet industriel. Le but de l'ONERA, effectivement, de monter en maturité ses projets jusqu'à un TRL6, donc un niveau de maturité qui est certes assez élevé, mais avant l'industrialisation. Ça veut dire qu'il faudrait qu'aussi un industriel prenne le relais, un industriel qui prenne le risque d'investir dans un projet comme ça, de construire effectivement l'écosystème qui va autour, parce que on n'est plus sous des moteurs sous les ailes, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir tous les chariots de levage adaptés pour pouvoir intervenir sur les moteurs, par exemple. Et il faut aussi qu'il y ait l'acceptation des compagnies. Les compagnies qui sont très réticentes à accepter l'innovation telle qu'elle, elles aiment bien qu'une autre essuie les plâtres avant elles. C'est ça. Donc voilà, il faut que tous ces critères soient réunis. Mais si derrière l'équation économique est là, malheureusement tout passe par l'économique derrière. Malheureusement, pas d'ailleurs. Mais voilà, si les conditions de sécurité sont là et que l'équation économique est bonne, on peut espérer voir des projets comme Nova aboutir sur des véritables avions de façon industrielle. Un mot, ou plusieurs d'ailleurs, Jean Hermetz, sur votre projet, ce projet Ampère, quel est-il dites-nous en quelques mots, on a déjà posté quelques images et quelques liens vers des articles sur le fil Twitter de l'émission. Qu'est-ce que c'est que ce projet Ampère ? C'était radicalement différent, c'est un tout autre projet que l'avion Nova. Oui, tout à fait, c'est un autre projet, mais qui a les mêmes visées dans le sens où il s'agit de monter en maturité des technologies que l'on pense être des ouvertures potentielles pour améliorer l'efficacité énergétique des avions futurs. Ampère est effectivement orienté beaucoup plus sur l'avion à propulsion électrique. Alors là, on parle vraiment de propulsion électrique, c'est-à-dire que de la production de l'énergie jusqu'à son utilisation, on est entièrement sur du schéma électrique, si je puis dire. Donc c'est un avion à propulsion complètement électrique. C'est un concept d'avion, hein, soyons clairs. Encore une fois, on ne fabrique pas d'avion, effectivement, à l'ONERA. On développe des technologies ou des configurations. On les mène à maturité pour ensuite passer le relais, si je puis dire, à l'industrie. Hein. Cet appareil-là, c'est un avion qui est conçu dans l'esprit de ne générer aucune nuisance, aucune pollution chimique, hein, pour avoir un usage qui serait un usage lié à la mobilité capacité à la demande, c'est-à-dire en fait une capacité à être opéré d'un centre-ville, par exemple, pour aller dans une autre cité de même nature. Donc c'est un appareil qui a pour objectif, effectivement, de décoller court, sans émission polluante, de faire une distance d'environ 500 km en 2 heures et de se reposer donc dans une autre ville pour laisser ses passagers, ses 4 passagers ou 6 passagers maximum, descendre et évacuer à leurs occupations. Sur ce concept-là, on a regardé un certain nombre de technologies qui répondent à la fois à ces différentes contraintes et à ces différents objectifs, en cherchant effectivement à tirer la quintessence d'une propulsion entièrement électrique. Ça nous a amené à considérer ce qu'on appelle la propulsion distribuée. Donc la propulsion distribuée, c'est le côté un peu novateur de cette configuration. Hein. Si vous avez une image et si vous avez posté des images, les auditeurs qui regardent pourront s'en rendre compte. C'est ça, on peut voir tout de suite, on peut le dire. Hein, ouais. C'est-à-dire d'une série de moteurs qui sont situés sur la voilure au-dessus du cockpit. Voilà, et effectivement, on est très différent des avions aujourd'hui qui ont en général 1, 2, 4 moteurs grand maximum. Sur une configuration de ce type-là, on parle d'utiliser jusqu'à une quarantaine de moteurs petits, montés sur la voilure, avec pour objectif d'avoir un certain nombre d'avantages d'un point de vue aérodynamique, contrôle de l'avion et sécurité. Alors, je peux développer, évidemment, si vous voulez. Mais bien sûr, alors, on arrive à la fin de l'émission, mais dites-nous quand même quelques mots de l'évolution de ce projet, Ampère. Où en est-il et quels sont les premiers résultats que vous avez obtenus? Oui, tout à fait. Alors, c'est un projet, effectivement, qu'on mène petit à petit vers un niveau de maturité le plus élevé possible. On a travaillé toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on a fait un certain nombre d'études purement papier, numériques, si vous voulez, des calculs, de la simulation numérique, notamment aérodynamique. Et on est passé ensuite en soufflerie pour à la fois valider ce que l'on a pu calculer auparavant, compléter ce qui est calculé, parce que lorsqu'on est aux limites de ce qu'on appelle le domaine de vol, les calculs ne sont pas forcément au niveau de précision que l'on attend, et puis également disposer de ce qu'on appelle un modèle aérodynamique complet de l'avion, de façon à pouvoir alimenter un simulateur de vol qui nous permet ensuite de montrer comment on opérerait un avion comme celui-ci. Donc le passage en soufflerie nous a prouvé effectivement les performances que l'on attend de cette propulsion d'une nature un peu particulière, hein, et en particulier ce qu'on appelle le soufflage de voilure, qui nous permet d'avoir une portance très élevée à basse vitesse. On a donc une portance qui est à peu près 2 fois plus élevée que sur une voilure équivalente, hein, d'un avion équivalent, hein, ça vous donne un ordre de grandeur de 2,5 fois. Et puis effectivement, on a collecter l'ensemble du comportement de tout ce qui permet de modéliser le comportement de cet avion dans un simulateur. Donc à partir de ce point-là, on a une première base de travail sur laquelle nous on va pouvoir continuer pour développer des lois de pilotage, parce que vous imaginez bien qu'un pilote à bord d'un avion comme celui-là ne sera pas à même de pouvoir maîtriser 40 moteurs différents pour piloter l'avion, en plus des gouvernes classiques aérodynamiques qu'il aurait à disposition. Donc derrière tout ça, il y a effectivement le développement de lois de pilotage ou de lois de contrôle, d'automatisme, d'un certain nombre d'assistances au pilotage de manière générale, qui sont de plus en plus présentes dans les avions et qui vont l'être de plus en plus dans le futur. Et je vais renvoyer les auditeurs justement à notre fil Twitter si vous voulez non seulement voir ces modèles et puis lire et comprendre un peu mieux comment ils se comportent et comment ils sont testés aujourd'hui en soufflerie. Mais il est déjà 16h53 et comme tous les mercredis, bien c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main, puisque nous recevons dans la méthode scientifique chaque semaine des chercheurs, des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses qui viennent nous expliquer en 4 minutes leurs travaux de recherche. Alors on va changer de mode de locomotion, on va passer de l'avion au taxi et au robotaxi, puisque nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Reza Bozougi, bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse à l'Institut de Recherche Technologique Système X, Laboratoire Génie Industriel, Centrale Supélec, Université Paris-Saclay. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Merci. Vous avez sûrement entendu parler des véhicules autonomes. C'est un sujet d'actualité. Au-delà des véhicules avec certains niveaux d'autonomie qu'on peut déjà croiser sur la route, d'ici quelques années, il y aura des véhicules complètement autonomes. Et aujourd'hui, plusieurs constructeurs automobiles sont dans le starting block pour proposer au monde cette technologie. Alors, l'émergence des véhicules complètement autonomes entraînera naturellement des changements dans le système de transport urbain, et notamment dans la mobilité partagée. Cela garantira, par exemple, la disponibilité d'un nouveau service de déplacement. Imaginons un taxi autonome, dit robotaxi, ce nouveau service pourra simplifier notre vie. En effet, il est censé améliorer l'accessibilité, diminuer le nombre de voitures particulières qui circulent dans la rue et bref, faciliter nos déplacements. Mais bien évidemment, ce service doit également être rentable pour les parties prenantes qui vont l'opérer. D'où la question à poser, si on s'en met à la place de l'opérateur, comment designer un tel service? C'est justement là que j'interviens. Étant doctorant effectuant ma thèse au sein de l'Institut de Recherche Technologique Systémix, je travaille sur la conception, la modélisation et enfin la simulation des services robotaxis. Pour réaliser une telle simulation, on commence tout d'abord par l'estimation de la demande sur le service. Ceci est généralement effectué par ce qu'on appelle des modèles de déplacement. Ces dernières produisent des données sur le nombre de personnes qui se déplacent entre un point A vers un point B, ainsi que le mode de transport qu'ils utilisent. Pour voir si ces voyageurs vont choisir le robotaxi pour leur déplacement, dans la simulation, je me mets à leur place. Je vais essayer de trouver comment ils font leur choix. Alors, plusieurs paramètres jouent dans le choix de mode de chacun. Par exemple, le temps d'attente, le coût, le temps de parcours, le temps de détour si le parcours est partagé. Ces paramètres sont fortement reliés à l'état de trafic et également à l'offre de transport. Le bus, le métro, le véhicule particulier, voire même le robotaxi. Mais aussi, ce choix dépendra du profit de chaque voyageur. De qui ils sont, de leur niveau de salaire, de ce qu'ils font dans la vie ou de combien de véhicules ils possèdent. La simulation intègre également les caractéristiques plus spécifiques des voyageurs, telles que la préférence ou l'acceptation vis-à-vis de l'utilisation de robotaxis. Celle-ci prend en compte, par exemple, l'inquiétude que les usagers pourraient avoir vis-à-vis d'un véhicule sans conducteur. Alors, sur ce sujet, je citerai justement une étude récente qui démontre que 25% des personnes sondées refusent d'utiliser le robotaxi, même si celui-ci est gratuit. Alors, comment avoir toutes ces données? Je préfère vous rassurer tout de suite que l'intégralité des données est anonymisée. Mais il existe des méthodes qui m'aideront à modéliser des déplacements et des comportements réalistes des voyageurs à partir de ces données. Donc, en résultat, vous pouvez trouver dans la simulation des personnes qui auront les mêmes comportements que les vrais voyageurs. C'est grâce à ces personnes imaginaires que j'effectue mes simulations pour évaluer différents scénarios et différentes stratégies du service robotaxi. Finalement, mes travaux permettront de construire une méthodologie de simulation pouvant satisfaire toutes les parties prenantes. Les voyageurs auront un service de mobilité fiable et disponible et l'opérateur aura ses indicateurs au vert. Merci beaucoup Reza Vozougi pour votre présentation. Un mot, Jean Hermetz, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais un avion totalement automatique, un avion sans pilote, quand on voit qu'une personne sur quatre refuse de rentrer dans un taxi, dans une voiture sans pilote, est-ce qu'on imagine qu'il est possible un jour que ces avions soient totalement, et c'est techniquement possible, hein, je parle sous votre contrôle, pilotés depuis le sol? Oui, c'est techniquement possible. On a aujourd'hui des drones dont tout le monde entend parler assez régulièrement. Donc faire voler un avion de manière automatique, c'est quelque chose qui est faisable aujourd'hui. Alors, quand on parle de transport aérien, il faut bien avoir en tête qu'il faut automatiser le vol. Mais à côté de ça, il faut aussi assurer le contrôle aérien, hein, de manière générale. Et lorsqu'on parle d'automatisation, généralement, on se doit de considérer à la fois le vol des avions, de manière générale, et donc potentiellement le pilotage automatique, mais également le contrôle au sol. Et ça fait partie d'un tout. Alors pourquoi pas des avions automatiques dans l'avenir? À l'ONERA, on a piloté il y a quelques années un projet qui s'appelait IFATS d'ailleurs, pour parler anglo-saxon, qui avait pour but justement de travailler sur le principe du transport aérien automatisé et qui a mis en évidence un certain nombre de présupposés ou de prérequis, si vous voulez, sur la façon dont on pourrait organiser le trafic et générer les trajectoires des avions de façon à assurer en sécurité un vol complètement automatique. C'est clair que la question de l'acceptation par la société de monter dans un avion sans pilote, c'est une autre histoire. Ça risque d'être un peu plus long à faire passer. Merci en tout cas beaucoup à vous tous. Merci Reza Vozougi pour votre présentation. Merci Jean Hermette. Merci aux camarades de France Bleu à Toulouse pour le duplex. Merci beaucoup Léo Barnier. On peut vous retrouver sur le journal de l'aviation. C'est sur internet journal-aviation.com. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Sarah Yvement, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Allez, la suite de vos aventures sur France Culture dans un instant. Troisième épisode de la série documentaire consacrée aux sorcières. Aujourd'hui, épisode Figure de sorcière. C'est une série signée Céline Duchesnay et Laurent Polleret. Tout à l'heure, après le journal de 18h, du grain à moudre, le monde associatif est-il le supplétif du service public, se demandera Hervé Gardette avec ses invités. Pour ce qui nous concerne, eh bien, demain, nous retracerons l'histoire de l'homme qui a retracé nos histoires, depuis les premières cellules animales et végétales jusqu'à leurs formes les plus complexes. Celui qui a tordu le cou à l'idée que nous existions depuis tout temps. Nous parlerons de l'évolution et de Charles Darwin demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.